comment ça marche? On oui, mais il ne veut pas. C'est pas été. Engendrés par l'introduction de l'évaluation, avec ici l'importance des plaintes et des recours qui ont été introduits par rapport à la procédure d'évaluation. Voilà, donc en conclusion, on peut dire que l'évaluation des performances et des compétences donc, caractérise le modèle de la DRH. Pour qu'elle le caractérise pleinement, il faut que l'évaluation provoque un certain nombre de conséquences. L'évaluation, telle que je vous en ai parlé, fait quand même l'objet de très nombreuses critiques. Donc l'évaluation des performances, l'évaluation individuelle des performances, des compétences, est de plus en plus mal notée. Quelles sont les critiques qui sont mises en évidence? Il y a le fait que c'est considéré comme un exercice bureaucratique, donc on remplit un papier, mais on ne cherche pas vraiment à évaluer. On se met en règle par rapport à la procédure. Mais il n'y a pas vraiment cet usage de l'évaluation. Subjectivité, certains dénoncent le retour de l'arbitraire à travers les procédures d'évaluation. Un peu l'idée du délit de sale gueule hein, qui serait lié à l'évaluation. L'exercice non discriminatoire, c'est discriminatoire dans le sens où ça ne fait pas de différence. Ce que je vous ai montré par rapport à Watt, c'est ça, c'est non discriminatoire dans le sens où on ne fait pas, ça ne produit pas des différences entre des gens qui sont excellents et des gens qui sont nettement insuffisants. Tout le monde est excellent, tout le monde est bon ou excellent. Certains disent aussi que la logique des objectifs est une logique qui est très discutable, dans le sens où si on est dans un monde qui est en perpétuel changement, dans un monde incertain, dans un monde imprévisible, turbulent, il est très difficile de gérer une organisation à travers des objectifs qui sont prédéfinis. Comment voulez-vous savoir quelle sera la réalité dans 6 mois, dans 1 an? Et donc, est-ce que cette gestion par les objectifs est une gestion pertinente par rapport à l'environnement que connaissent certaines organisations? Donc voilà, un outil qui est présent, un outil qui fait l'objet de critiques qui sont quand même importantes. Je pense qu'un des enjeux qui doit être quand même présent, c'est le feedback, c'est créer quand même un moment de dialogue entre un responsable hiérarchique et ses collaborateurs. Je pense qu'il y a là un enjeu important dans le sens où vous avez des travailleurs qui vous disent qu'ils n'ont que très rarement un retour de la part de leur directeur. C'est-à-dire que ne pas avoir de retour, ne pas avoir de feedback, c'est ne pas savoir comment votre travail est apprécié. Est-ce que votre travail est apprécié? Dans quelle mesure il est apprécié ou pas? Donc il y a là quelque chose d'important quand on réfléchit au fonctionnement d'une organisation, c'est de mettre en place un dispositif qui soit un dispositif de feedback, de retour vers le collaborateur vis-à-vis de la manière dont la réalisation de son travail est Et puis aujourd'hui, on a quand même, ces dernières années, on a quand même innové en matière d'évaluation. Il y a des évaluations qui sont moins des évaluations sanctions que des évaluations formatives de soutien. Donc, il y a là aussi peut-être une réflexion à avoir. Est-ce qu'il faut vraiment être dans la sanction, dans le contrôle? Est-ce qu'on ne peut pas être plus dans individuel collectif, est-ce que finalement des évaluations qui seraient plus collectives ne seraient pas plus intéressantes que des évaluations individuelles? Les évaluations collectives permettraient de mieux tabler sur les coopérations entre les individus. On parle aussi d'évaluation à 360 degrés. Donc, du responsable hiérarchique vers ses collaborateurs, mais aussi des collaborateurs vers le responsable hiérarchique, du responsable hiérarchique du N plus 2 vers le N plus 1, donc des collaborateurs vers le responsable hiérarchique, du responsable hiérarchique premier niveau, donc du responsable hiérarchique deuxième niveau vers le responsable hiérarchique premier niveau, d'accord ? Je recommence. Des collaborateurs vers le responsable hiérarchique premier niveau, du responsable hiérarchique deuxième niveau vers le responsable hiérarchique premier niveau, des fournisseurs du service, hein, aujourd'hui on parle client-fournisseur, donc des services qui fournissent le service en question ou la personne en question. Et puis, quel est le regard, l'évaluation des clients de la personne ou du service en question. C'est l'idée de 360 degrés. Vous voyez aussi la lourdeur du dispositif, hein, donc lorsque ces évaluations de 360 degrés sont mobilisées, elles le sont peut-être soit dans des situations de crise, de problème, voilà, ou alors sur des périodes beaucoup plus longues, pour les 5 ans. C'est un timing qui est beaucoup plus réaliste qu'un timing qui est. Donc, sur ce bilan, en quelque sorte, de l'évaluation. Je vais mettre fin à cette partie du cours concernant l'évaluation des performances. Je ne sais pas si vous avez des remarques à formuler, ça vous paraît clair, ce qui a été dit? Elle a été fondée et un acte Friedberg. Donc l'année passée, on a eu le plaisir d'accueillir ici à l'ULD un acte Friedberg qui est venu au premier cycle de conférences. Crozier Friedberg, je pense que Crozier a plus de chances d'être connu que Friedberg. Je ne sais pas si Michel Crozier, c'est un nom qui vous dit quelque chose. Alors, c'est un sociologue français qui va marquer, si vous voulez, la sociologie dans les années 60-70. Et avec son collègue Erhard Friedberg, ils vont fonder ce qu'on appelle la sociologie des organisations. Ne prenez pas note, mais comme beaucoup de disciplines, la sociologie se compose ou renvoie à des sous-disciplines qui sont spécialisées sur des objets particuliers. Et on a depuis très longtemps une sociologie de la famille. On a depuis très longtemps une sociologie des religions. On a depuis très longtemps une sociologie du travail. Et la sociologie des organisations, elle est apparue beaucoup plus récemment, 1960-1970, et elle a été le fait des deux personnes dont je vous ai parlé. Donc, ils vont créer une branche spécialisée de la sociologie, spécialisée dans le fonctionnement des organisations. Et la manière dont ils vont fonder cette sociologie des organisations, c'est en réaction forte, peut-être même épidémique dans un certain sens, par rapport aux lectures psychologisantes qui était à l'œuvre à l'époque. Donc, lecture psychologisante, je vais ajouter peut-être un point, c'est aussi une réaction forte par rapport aux lectures marxisantes de la réalité à l'œuvre dans le monde du travail. Donc, c'est une double réaction. Une réaction par rapport aux lectures psychologisantes, et une réaction par rapport aux lectures partisanes de la réalité du travail et des organisations. Que disait la lecture des lectures psychologisantes? Eh bien, elle disait que, en gros, le travailleur, c'était un être social. Je pense qu'on en a parlé déjà. Newton Mayo, l'école des relations humaines. Donc, le travailleur, c'est un être social. Et ce que je dois faire en tant que gestionnaire, c'est satisfaire cet être social. Donc, je dois développer des politiques qui permettent aux travailleurs de satisfaire ses besoins sociaux. Les lectures marxisantes, elles ont pour caractéristique de mettre l'accent sur l'opposition entre les capitalistes et la classe ouvrière. Donc c'est une lecture en termes de classe, en termes de lutte des classes qui est proposée par les marxistes, les intellectuels se réclamant des marxistes. Les Crozier et Friedberg vont se détacher, si vous voulez, de ces deux types de lecture. Pour eux, ce qui est au cœur des organisations, c'est la question du pouvoir. Donc ce qui se joue dans la quotidienneté du fonctionnement des organisations, c'est le pouvoir. Et chaque individu à l'œuvre dans l'organisation est en fait un acteur, doit être considéré comme un acteur, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre plus ou moins pleinement dans ces jeux de pouvoir. Donc ici, je me suis centré posiez parce que voilà, c'est les deux figures, c'est la figure la plus marquante. Avec un livre qui a deux livres qui ont fait date. Hein. Le premier, c'est Le phénomène bureaucratique, qui date de 1964. Le Crozier a écrit seul, donc il est le seul auteur de ce livre. Et puis, le deuxième ouvrage qu'il a co-écrit, co-signé avec Gerhard Friedberg, L'acteur et le système. Cet ouvrage, c'est vraiment la référence théorique de la sociologie des organisations. Donc, c'est en quelque sorte la Bible par rapport à la sociologie des organisations. Donc, retenez aussi, c'est important qu'on parle de sociologie des organisations. On peut aussi parler, c'est un synonyme, d'analyse stratégique. Donc, la sociologie des organisations renvoie à l'analyse stratégique. Alors, je vais vous tracer le cadre de cette sociologie des organisations. Donc, retenez que ce que je vais vous dire ici, c'est ce qui est présent dans cette Bible, L'acteur et le système. Alors, de mémoire, c'est un livre qui va faire à peu près 400-500 pages, écrit en très très petits caractères. Moi, je vais vous en parler en une demi-heure, trois quarts d'heure, donc forcément, je prendrai certaines libertés par rapport à ce qui a été dit, à ce qui a été écrit dans ce livre. Mais l'idée, c'est de faire ressortir les principales caractéristiques. Et donc, les idées forces, je vous l'ai dit, c'est la question du pouvoir. Ce qui est en jeu dans le fonctionnement des organisations, c'est la question du pouvoir. Et donc, je vais vous donner une définition du pouvoir, tel que l'entend Crozier et Friedberg. Pour eux, vous, moi, nous sommes des acteurs, nous ne sommes pas des individus, nous sommes des acteurs présents dans l'organisation, on est plus ou moins engagé dans des relations de pouvoir. Ces relations sont plus fortes à certains moments, dans des situations de crise, où on voit qu'on est en conflit ouvert, et puis les relations de pouvoir peuvent être de basse intensité, peuvent être relativement latentes. Et donc, c'est l'idée force de départ. Hein. Donc, l'organisation est un lieu de tension lié à des problèmes d'allocation de ressources, ressources qui sont rares, et aux stratégies individuelles et collectives qui coexistent et qui souvent s'opposent, pas systématiquement, mais souvent s'opposent. Donc des ressources rares, c'est par exemple si je prends l'université, c'est le fait d'avoir un assistant. C'est-à-dire qu'un assistant est une ressource importante et que ce sont des ressources qui sont relativement rares et donc ça renvoie souvent à des conflits importants entre membres du corps académique. Stratégie individuelle. Stratégie individuelle, c'est une stratégie qui est portée par un individu. Et puis, donc, il y a l'acteur individuel, il y a aussi l'acteur collectif. L'exemple le plus classique de l'acteur collectif, c'est le syndicat. Le syndicat d'étudiants, par exemple, est un acteur collectif. Il a une stratégie, il a des objectifs, il est dans une relation de pouvoir avec les autorités, avec le corps académique. Donc, des idées forces, et ces idées forces renvoient à quelques grands postulats. Donc, le premier postulat, ben voilà, il est relativement facile à exprimer, et il consiste à dire que le collaborateur, la personne, personne, le travailleur, l'étudiant, n'est pas un individu, ne doit pas être considéré comme un individu, c'est-à-dire quelqu'un de passif, de malléable, mais doit être considéré comme un acteur. Donc il y a là quelque chose d'important. Vous participez. Nous participons à la construction de l'organisation dans laquelle nous sommes. Et qu'est-ce qui permet à Crozier Friedberg de dire que chaque individu à l'intérieur d'une organisation est un acteur? C'est le fait que chaque individu a des objectifs qui lui sont propres, a des buts qui lui sont propres. Il y a beaucoup de commissions d'enquête actuellement, de commissions parlementaires, qui s'interrogent sur les buts et les objectifs, les projets de certains gestionnaires d'intercommunales. Je pourrais m'interroger sur vos objectifs. Quels sont finalement vos objectifs à vous? Est-ce que vous pourriez me dire quels sont vos objectifs? On nous dit que la vaccination marche bien, c'est une méthode contemporaine. Comment faire participer? Multiples affaires en même temps. Donc voilà, question, est-ce que vous répondez ou vous ne répondez pas? On doit considérer ces comportements. L'analyse stratégique nous invite à considérer ces comportements comme étant l'expression de stratégie. Donc vous êtes des acteurs stratégiques. Et d'un point de vue théorique, l'analyse stratégique postule que toutes les stratégies sont des stratégies rationnelles. Bon, ça renvoie à un vieux débat qui était bien à l'œuvre à l'époque et qui mettait en opposition la rationalité absolue et la rationalité limitée. Donc Rosier Friedberg s'inscrit dans la stratégie limitée, qui est en opposition par rapport à la stratégie absolue. Pardon, à la rationalité absolue. À partir de quand, c'est quoi la stratégie absolue? Quelles sont les caractéristiques, pardon, la rationalité absolue, quelles sont les caractéristiques de base sur lesquelles repose cette notion de stratégie de... Je dois changer de logiciel. De rationalité absolue. La rationalité absolue implique que le décideur est en possession de toute l'information nécessaire pour décider. Donc j'ai accès à toute l'information dont j'ai besoin pour décider. Si j'ai pas ça, je ne peux pas parler de rationalité absolue. Deuxièmement, le décideur est en compétence de comprendre toute l'information dont il dispose. Le tout n'est pas d'avoir l'information, mais c'est aussi de la comprendre. Et donc le décideur postule la rationalité absolue, le paradigme de la rationalité absolue, le décideur a toutes les compétences intellectuelles, cognitives, nécessaires pour comprendre l'information qui est à sa disposition. Et puis, nous dit la théorie, il va construire des scénarios. Scénario 1, scénario 2, scénario 3, et il va choisir le scénario qui est optimal. Tout ça, c'est de la fiction. Tout ça, c'est de la fiction. Ça, dans la réalité, on prend beaucoup de décisions, mais les situations dans lesquelles on dispose de toute l'information nécessaire et qu'on est en capacité de la comprendre et qu'on est en capacité de la mettre sous forme d'alternative, c'est-à-dire pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause, c'est excessivement rare. On décide beaucoup, et parmi toutes les décisions qu'on prend, il y en a peut-être une tous les 10 ans qui relève de la rationalité absolue. Le reste, c'est la rationalité limitée. Alors, ne prenez pas note, mais un des enjeux du débat aussi, c'était qu'à partir du moment où on estimait que ce qui était à l'œuvre, c'était la rationalité absolue, décideur, comment voulez-vous mettre en discussion une décision qui a été prise sous le sceau de la rationalité absolue? Donc il y a une dimension idéologique qui est présente aussi. Tous les grands décideurs économiques, tous les grands décideurs politiques, eh bien, étaient présentés par la théorie comme prenant des décisions qui étaient le fruit d'une rationalité absolue. À partir de ce moment-là, la place laissée à la critique, la place laissée à la discussion, elle était quasiment peu présente. Donc, rationalité limitée, là vous pouvez prendre note, à partir du moment où je dis que toutes les stratégies, donc que tous les acteurs qui développent des stratégies renvoient à une rationalité limitée, ça veut dire que quel que soit le comportement, quelle que soit la stratégie, quel que soit l'acteur, je dois le prendre en considération. Ça veut dire que, quel que soit l'acteur, quelle que soit la stratégie, je dois les prendre en considération. Souvent, on dit, voilà, ces gens sont fous, ces gens sont débiles. Dire que quelqu'un est débile, dire que quelqu'un est fou, c'est une manière de le disqualifier. Et donc, si je le disqualifie, je ne vais pas le prendre en compte dans mon analyse. C'est un débile, c'est un fou, il n'a rien compris à la situation. Donc, l'analyse stratégique, elle a quelque chose d'important dans le sens où elle donne du crédit à tous les acteurs. Tous les acteurs doivent être pris en compte dans l'analyse. On ne peut pas en écarter sous l'un ou l'autre prétexte. Et quelles sont les limites qui sont à l'œuvre? Ce sont des limites cognitives. On pourrait dire d'abord l'accès à l'information. C'est-à-dire, on est dans un monde où on a de plus en plus facilement accès à l'information. Mais est-ce qu'on a accès à toute l'information pertinente? C'est une question qu'on peut se poser. Une information peut tuer l'information. Le fait que quand on est sur un moteur de recherche, on a tout de suite beaucoup d'informations, ça peut tuer la qualité de l'information. Il y a les limites cognitives, on doit quand même reconnaître qu'on n'a pas l'intelligence nécessaire pour traiter toute l'information qui est à notre disposition. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre parti, qu'on ne peut pas décider, mais il faut reconnaître qu'il y a des zones d'ombre, il y a des approximations, il y a du parti pris affectif. Telle solution est portée par telle personne, et comme j'aime relativement bien cette personne, bien, je vais lui donner du crédit, je vais lui donner du poids. Parti pris culturel, parti pris idéologique, politique, etc. Donc, quand j'ai une limite affective, on peut faire le lien avec Elton Bayo, avec l'école des relations humaines. Hein. Le social, l'affectif, l'affect doit être considéré comme une limite à nos stratégies. Alors, troisième postulat, je vais juste vous le présenter, je vous l'expliquerai la semaine prochaine. Mais il renvoie au fait que, quelle que soit l'organisation, l'individu dispose toujours d'un minimum de liberté. Parfois, cette liberté est excessivement faible. Parfois, l'organisation se structure pour essayer de faire disparaître ce minimum de liberté. Mais, si vous voulez bien attendre encore deux secondes, donc, certaines organisations se structurent pour faire disparaître ce minimum de liberté. Ils vont se structurer pour réduire considérablement le minimum de liberté. J'ai des statistiques sur le nombre des GSM qui ont été trouvés dans les prisons en Belgique ces deux dernières années. C'est intéressant parce qu'en principe, il ne peut pas y avoir de GSM. Pourtant, il y en a. Et puis, il y a des organisations qui sont, par définition, beaucoup plus démocratiques. Voilà, ici, il y a des gens qui rentrent, qui sortent dans cet auditoire. On est dans une organisation qui est beaucoup plus démocratique qu'une prison, et donc qui laisse des marges de liberté beaucoup plus grandes aux individus. Les prisons n'est pas un prisonnier. Pas d'accord. Pas tout à fait. Et la réflexion, et je vais m'arrêter là-dessus. La réflexion sur laquelle Crozier et Pippet se sont appuyés, c'est une réflexion par rapport aux organisations les plus totalitaires. Et donc ma question la semaine prochaine, la question que je vais vous poser, c'est quoi une organisation totalitaire? Quelles sont les caractéristiques de l'organisation totalitaire? Et quels sont les exemples d'organisations totalitaires que vous pouvez mettre en évidence? Et pourquoi ces exemples-là? Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.